Iman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. 9 maisons d'habitation et plusieurs hectares de champs de culture endommagés sur la colline Karagara de la zone Uruhukiro en commune et province Rumonge. Voilà le bilan des dégâts occasionnés par les pluies torrentielles tombées dans cette localité l'après-midi de ce dimanche. Et plus de 3 millions de plants d'arbres seront plantés en province Gitega pendant la saison sylvicole en cours, comme l'indique le chef d'antenne provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPI. Un délai de 5 jours est accordé à ceux qui ont posé des panneaux publicitaires dans les 6 mètres de part et d'autre des routes nationales, de les enlever, et c'est en commune Ngozi. Dans ce journal, vous serez également les avis des uns des autres sur les prestations de la radio Isanganiro qui fête son 19e anniversaire le 18 novembre prochain. Aujourd'hui, nous vous proposons ce que dit la présidente de l'Association des femmes rapatriées du Burundi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une personne a été tuée, poignardée au cours de cette nuit sur la colline Nyamabere de la commune Mhanda, c'est dans la province de Bubanza. Les témoins sur place disent que la victime non identifiée ferait partie d'un groupe de bandits qui avait volé une vache sur la colline Murengeza, voisine de la colline Nyamabere. Cette vache volée a été abattue et le matin de ce lundi, les passants ont constaté que le corps sans vie était allongé à côté des morceaux de viande de cette vache. La même source précise qu'il y aurait eu un malentendu dans le partage de ce butin. Et ils ont poignardé un d'entre eux et se sont enfuis, laissant sur place les parties de la vache volée. Et cela est confirmé par le chef de la colline Nyamabere qui ajoute que les enquêtes sont déjà en cours. Plus de 3 millions de plants d'arbres seront plantés en province Gitega pendant la saison sylvicole en cours, comme l'indique le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE. Jean-Marie Hatungimana ajoute qu'il est impératif de planter des arbres chaque année à Gitega, vu le rythme de coupe des arbres occasionné essentiellement par l'agrandissement de la ville de Gitega. On l'écoute. Et au cours de cette campagne sylvicole en cours, les prévisions en province de Gitega s'élèvent approximativement à 3 millions de plants d'espèces confondues entre lesquelles on peut citer les eucalyptus, les grévillias, les calyandras et les sénats. Les arbres ne se visent pas et ne se visent jamais. Les arbres sont considérés comme des cultures qui sont utilisées dans le ménage et aussi les arbres en province de Gitega sont considérés comme des cultures qui sont sollicitées surtout dans la recherche des frais pour le ménage. Nous constatons que dans la province de Gitega, il y a cette mesure d'élargir la ville de Gitega en construisant des maisons en étage. Et ces maisons en étage nécessitent aussi des perches pour l'échafaudage. Donc, vous comprendrez que la nécessité de couper les arbres ne s'arrête et ne s'arrêtera jamais puisque autant besoin de moderniser la ville, on a besoin aussi de faire des coupes de perches. Et un délai de 5 jours a été accordé à ceux qui ont posé des panneaux publicitaires dans les 6 mètres de part et d'autre des routes nationales de les enlever. Là, nous sommes en Ngozi. Joseph Martin Bouchoumi, administrateur de la commune Ngozi, indique que cette activité rentre dans le cadre du respect de la mesure gouvernementale et vise aussi l'embellissement de la ville d'Ngozi. Les détails dans cette correspondance d'Apollinaire Mozagara. Dans une correspondance sortie et lue à l'église, l'administrateur de la commune Ngozi ordonne la démolition de tous les panneaux publicitaires se trouvant dans les 6 mètres de part et d'autre des routes nationales numéro 6 et 15, l'une menant à Muyinga et l'autre à Gitega, et cela au plus tard le 19 de ce mois de novembre. Joseph Martin Bouchoumi indique que les concernés ont démoli seulement des maisons et clôtures, oubliant ces panneaux alors qu'ils sont aussi concernés par la mesure. Parmi ces panneaux, placés ici et là, figurent ceux des concessions religieuses, hôtels et restaurants, des associations, des sociétés, tant publiques et privées, sans oublier ceux des différents services étatiques. L'administrateur de la commune Ngozi, Joseph Martin Bouchoumi, demande à ceux qui sont concernés par la mesure de démolition de toute infrastructure construite dans les 6 mètres de continuer aussi le pavage ou cimenter l'espace compris entre la route et la clôture de leur maison pour l'embellissement d'Ngozi. Merci Apollinaire. 4 salles de classe et le bureau du directeur de l'école fondamentale Bubanza 1 dans la province de Bubanza ont été sérieusement endommagées lors des pluies mélangées aux vents violents qui se sont abattus sur cette localité ce dimanche. Il faudra remplacer les tôles qui se sont cassées pour pouvoir recouvrir ces locaux selon les responsables scolaires. Les livres des élèves et des enseignants qui étaient conservés au bureau ont été mouillés et déchirés. Certains étaient en train d'être séchés au soleil ce lundi. Les responsables scolaires précisent qu'il n'a pas été facile de trouver des locaux où ces élèves peuvent suivre les cours en attendant que ces salles de classe soient recouvertes. Également intempérie à Rumonge, 9 maisons d'habitation et plusieurs hectares de champs de culture endommagés sur la colline Karagara de la zone Uruhukiro en commune Provence et Rumonge. Voilà le bilan des dégâts occasionnés par les pluies torrentielles tombées dans cette localité l'après-midi de ce dimanche. Les victimes de ces intempéries demandent assistance. Ces victimes s'ajoutent à plus de 400 autres enregistrées dans cette zone depuis le début de cette saison pluvieuse en cours et qui attendent elles aussi toujours de l'assistance. Et 20 des 29 salles de classe dont les toitures avaient été endommagées dans cette période ont déjà obtenu une aide en tôle selon Jean Mourilagenda, chef de zone Uruhukiro, correspondance Jean-Pierre Misako. Une étendue non encore déterminée de champs de maïs et de haricots qui n'avaient pas encore séché ou été attaqués par des insectes phytophages de l'ordre des coléoptères suite à plus d'une semaine d'ensoleillement intense ont été endommagés lors des pluies intenses et mêlées de vent tombées à Karagara l'après-midi de ce dimanche. C'est dans ces mêmes circonstances que 9 maisons d'habitation ont vu leur toiture endommagée, selon Jean Hurilagenda, chef de zone Uruhukiro. Il s'agit des victimes des intempéries en situation de vulnérabilité qui viennent s'ajouter à plus de 400 autres ménages sinistrés depuis le début de la saison pluvieuse en cours dans cette même zone. Le chef de zone Uruhukiro indique en effet que certains de ces sinistrés sont abrités dans leur famille ou dans le voisinage au moment où d'autres sont restés dans leur maison recouvertes avec des tôles trouées ou déchirées, des tôles qui laissent passer de l'eau en cas de pluie comme si la maison n'était pas couverte. Entre-temps, la commune Rumonge a déjà disponibilisé des tôles à 20 des 29 salles de classe dont les tôles avaient été endommagées dans cette zone depuis cette saison pluvieuse en cours, indique le chef de zone Uruhukiro. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président de l'Association des femmes rapatriées du Burundi, Afrabou, apprécie positivement les programmes de la radio-télévision Isanganiro, notamment le fait de suivre en différé le journal sur son téléphone portable si on l'a raté. Au moment où la radio-télévision se prépare à fêter ses 19 ans d'existence, Godelive Manirakiza interpelle ce médium à donner plus la parole à la femme et à promouvoir ses activités de développement. Elle demande en outre d'étendre l'espace de couverture de la nouvelle télévision Isanganiro. Suivez-la. Radio-Télévision Isanganiro est notre partenaire de très longtemps. Nous avons une émission que la Radio-Télévision Isanganiro organise chaque fois, je crois, à une séquence de une fois au mois, si j'ai bonne mémoire. C'est dans le cadre d'un projet, Mpakashambaretu, des femmes qui font le petit commerce transfrontalier. C'est une émission qui est écoutée par les Burundais et les Congolais, qui dit normalement comment ces femmes qui font le petit commerce transfrontalier traversent les frontières, comment elles font leurs affaires, les défis qui sont là. Vous comprenez qu'on est déjà partenaire et j'en profite pour vous féliciter. Féliciter la Radio-Télévision Isanganiro pour son 19e anniversaire. C'est vraiment un pas parce que avant vous étiez la radio seulement, mais maintenant vous êtes arrivé même à la télévision. Alors vous grandissez, il faut continuer à grandir. Surtout que la télévision ne couvre pas tout le Burundi, ça se trouve dans certaines provinces. Là, je peux vous interpeller. Quand vous avez fait des efforts à mettre en place la télévision, faites un effort, investissez pour que votre télévision puisse faire la couverture nationale. Ça sera impeccable parce que les émissions que vous diffusez sont vraiment intéressantes. Vous avez innové parce qu'on parvient même à suivre les informations par téléphone. Donc, si l'heure de diffusion des émissions ou des informations est passée, on peut l'écouter à travers son téléphone. Ça, c'est une innovation. Je dirais aussi, il faut toujours innover. Il faut toujours innover et inclure une émission spécifique aux femmes, donner l'espace à la femme laissez les femmes s'exprimer à partir de votre radio, télévision. Comme ça, vous aurez aussi promis la voix de la femme au Burundi. Godelev Manirakiza, présidente de l'Association des femmes rapatriées du Burundi. Certaines infrastructures situées en plein centre-ville de la Bujumbura, dans lesquelles le gouvernement burundais a des actions, ne sont pas fonctionnelles. Et parmi celles-ci, l'ancien hôtel Novotel. Certains citadins qui se sont exprimés voudraient voir ces hôtels notamment fonctionner de nouveau afin qu'il y ait des emplois et collecte des impôts et taxes. Mireille Kanyang. Parmi ces endroits visités, l'on citerait l'ancien hôtel Nicamore avec son restaurant Le Léché Mignon. Aujourd'hui, hôtel résidence situé à l'avenue du Stade, près de la librairie Saint-Paul, devant la PTA Bank et près de la société Sogerbou. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, il n'y a pas de mouvement, des herbes poussent, un grand arbre offre un ombrage et l'on voit également un sentier en gravier, des chaises et tables de cet ancien restaurant poussiéreux. Nous avons également été près de l'hôtel Waterfront, ancien hôtel Novotel, à l'origine appartenant aux Grecs Pagidas et Haidemenos. À ce moment, l'hôtel Novotel faisait partie, avec l'hôtel Le Doyen actuel Ego Hotel, d'infrastructures appartenant à ce grec. Waterfront Hotel est situé en plein centre-ville de Bujumbura, sur la chaussée du peuple Murundi, près du Burundi Palace. Infrastructure aujourd'hui en réhabilitation et c'est près du rond-point appelé Novotel. Des citadins ayant voulu garder l'anonymat estiment que c'est une perte pour l'État. Ces infrastructures en plein cœur de la ville de Bujumbura pourraient être source d'emplois, d'impôts et taxes. S'il y a des litiges, estiment-ils, il faudrait vite les liquider au profit des parties prenantes. Mireille Kanyang. Les agents de santé communautaire ont un rôle important dans la prise en charge de certaines maladies comme la malaria pour les enfants de moins de 5 ans. D'après certains parents de la colline Neshimwe, en zone Rusinda de la commune Bukinanyana de la province Cibitoke. Le médecin chef de district sanitaire de Bukinanyana le confirme. Docteur Nsavimana Jean-Marie précise que ces agents s'occupent de la malaria, la diarrhée et la pneumonie dans leurs communautés respectives. Lydie Gahimbare. Certains parents de la colline Neshimwe, zone Rusinda, en commune Bukinanyana, province Cibitoke, apprécient le rôle des agents de la santé communautaire, surtout dans la sensibilisation sur l'hygiène et le traitement de leurs enfants de moins de 5 ans. Ichiman Chate Jeannette, une des agents de la santé communautaire de la colline Chimney de 55 ans, dit qu'elle est fière de son travail. Elle affirme qu'elle est toujours prête à servir toute personne en cas de besoin, surtout pour les enfants qui souffrent de la malaria ou de la diarrhée. Je suis fière de mon travail, que ce soit à 2 heures du matin, à 3 heures, même à 4 heures, si quelqu'un a besoin de moi, je réponds très vite. Je l'accueille pour voir si c'est le cas d'une maladie. Lorsque c'est le cas d'un enfant qui souffre, je le traite avec nos techniques. Si ça n'aboutit pas, je dois le transférer au centre de santé ou à l'hôpital. Antoine Bonabucha, chef collinaire Chimier, reconnaît la contribution des agents de la santé communautaire sur sa colline. Docteur Sabdimane Jamarie, médecin chef de district sanitaire de Kinanyana, apprécie positivement leur contribution. Il précise que les agents de santé communautaire s'occupent de la malaria, diarrhée et la pneumonie. Apprécie positivement leur contribution. Donc, les agents de santé communautaire et au niveau de la communauté s'occupent de trois principales maladies, notamment le paludisme et la diarrhée, ainsi que la pneumonie. Il y a un impact positif. Comme ils sont basés donc dans la communauté, les familles ou lieux des enfants malades consultent trop tôt les agents de santé communautaire et comme ça, on évite qu'il y ait complications de ces pathologies. Donc les maladies sont prises en charge à temps et comme ça on évite les complications. 114 agents de la santé communautaire sur 289 au total sont des prestataires sur 57 collines de district sanitaire de Bukinanyana. Chaque colline a des prestataires, un homme et une femme. Merci Lydie Gahimbare. En bref, avant la chronique sport, les chrétiens de l'église appelés chrétiens solidaires du Burundi à Muzinda, en commune de Rugazi, au village de Dugianga et à Mudubugu, n'ont pas eu accès à l'église ce dimanche. Ils s'y sont rencontrés avec les fidèles de l'église Ezebo, accompagnés par les autorités administratives, et ceux-ci sont entrés à l'église après avoir cassé les cadenas. Au niveau de l'administration, on explique qu'il s'agit d'un conflit de terrain entre ces deux groupes, mais une autorisation a été accordée aux premiers occupants, ceux de l'Ezebo, par le ministre de tutelle. Et dans le reste de l'actualité africaine, début de la tournée d'Anthony Blinken en Afrique subsaharienne. Pendant 5 jours, le secrétaire d'État américain effectue la première visite diplomatique sur le continent depuis l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Anthony Blinken commence par se rendre au Kenya où il souhaite soutenir les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit du Tigré. Le pays siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies est un allié de taille dans ce dossier. Le coup d'État soudanais sera également abordé avec le président Uhuru Kenyatta au Nigeria. La coopération économique et la lutte contre le Covid-19 seront au programme enfin à Dakar. Il rencontrera le président Macky Sall qui s'apprête à prendre la tête de l'Union africaine. Radio Isanganiro, chronique sport. Un pays incapable d'abriter les matchs internationaux suite au manque des infrastructures respectant les normes fait que le niveau des joueurs locaux ne peut pas évoluer quand ils n'ont pas d'occasion de se mesurer sur les joueurs étrangers. Jean-Gilbert Kanyenhore alias Yaoundé, ancien entraîneur de Vitalo, fait savoir que même le pays perd beaucoup financièrement lorsqu'il ne peut pas organiser des compétitions internationales. Balen Havziariman. Lorsqu'un pays n'a pas de stade qui respecte les normes d'accueillir les compétitions internationales, le niveau des joueurs locaux ne s'améliore pas car ces derniers apprennent beaucoup sur les professionnels étrangers. Propos de Jean-Gilbert Kanyenhore, alias Yaoundé, ancien entraîneur de la formation de Vitalo FC. Quand on joue contre les équipes étrangères, nous autres entraîneurs, quand nous restons chez nous, nous étudions toujours et le jeu et les talents. On regarde, ah voilà comment tel joue. Et parfois, entre nos joueurs, ils prennent même leur nom. Il faut que les gens le sachent, il faut que les gens comprennent. Dès qu'on n'a pas de stade pour accueillir les équipes étrangères, nous perdons beaucoup. Non seulement le spectacle que beaucoup de Burundais footballeurs aiment bien, on n'en a plus à cause de ça. Ça fait maintenant, ça a commencé qu'on ne joue pas sur nos terrains, nos stades. Donc, beaucoup de conséquences. Entre autres, on ne verra plus ceux qui sont plus forts que nous, qui viennent jouer ici et qu'ils ne viennent plus. On verra notre football de tout le temps. Ce n'est pas agréable. Si on a des équipes étrangères qui sont fortes, même s'ils nous battent, mais au moment où ils nous battent, nous apprenons. Il ne faut jamais toujours dire que nous nous sommes battus parce que le football n'est pas le même partout. Il y en a qui ont commencé trop longtemps, il y a longtemps. Il y en a qui mettent beaucoup de moyens. Ce qui fait que donc ils apprennent vite. Ils ont des équipes, ils ont de très bonnes équipes. Ça, c'est un atout qu'on a raté quand on ne voit pas les adversaires qui sont plus forts que nous. Selon cet entraîneur, les footballeurs bondés sont talentueux et peuvent arriver très loin quand ils apprennent aux joueurs internationaux. Moi, j'ai toujours dit, les pays africains qui ont de très bons joueurs techniquement, il n'y a pas beaucoup comme les enfants du Burundi. Moi, quand je regarde, ça m'étonne. Tous les jeunes, regardez cette équipe, mon équipe. L'année passée, on avait 25 joueurs. Aujourd'hui, on a 23 joueurs. Mais parmi ceux qui étaient là l'année passée, on n'en a que 3. Et ils ne sont même pas tous titulaires. Et regardez, nous sommes ici au terrain. Il n'y a que des jeunes et nouveaux joueurs. Mais ils promettent quand même. Donc, empêcher à ces jeunes gens de compétir avec d'autres grands joueurs d'Afrique, ou pourquoi pas d'Europe, c'est vraiment une entorse terrible. Il faut chercher les moyens de nous construire des stades et que comme ça, on continue à accueillir des équipes un peu plus fortes que nous-mêmes. Jean-Gilbert Kanyenhore fait savoir que même le pays perd beaucoup financièrement lorsqu'il ne peut pas accueillir les compétitions internationales. Du côté aussi financier, on ne gagne rien, mais quand on a une grand terrain, bon terrain de jeu de football et qu'on y joue, on fait payer les tickets. Il y a d'autres pays qui gagnent beaucoup d'argent, des pays qui aiment le football comme le Burundi. Le Burundi, c'est des gens qui aiment beaucoup le football. Et nous savons très bien jouer au foot. Mais malheureusement, il y a tout ce genre de choses qui nous empêchent de progresser vite. Même la façon de faire payer les billets, c'est devenu des gens qui profitent de cet argent du stade. Ce n'est pas toujours les joueurs ni les équipes. Quand vous avez un très bon stade avec toutes les normes, vous n'avez pas moins de tricher les billets d'entrée. On perd beaucoup de choses en n'ayant pas un bon stade pour y jouer des matchs internationaux. Dans la prochaine chronique sportive, Jean-Gilbert Kanyenhore expliquera sur les sentiments des amateurs de football au moment où l'équipe nationale ne joue pas à domicile. Merci Balan Abdarimana, merci Gilbert alias Yaoundé pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal, il est 13h16 à Bujumbura. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à François Kimana pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco Nduimana, passez un très bon après-midi.